que je t'appelle, la vie me donne ce que j'attends d'elle. Bonjour, ici R. Desbois. Bienvenue à mes podcasts. Comme à chaque fois, je rappelle aux auditeurs et auditrices que mes podcasts sont diffusés gratuitement sur Internet à www.rdesbois.mypodcast.com. J'aimerais aussi souligner que les opinions exprimées ici sont les miennes, sans contrôle extérieur ni censure. Ce qui veut donc dire que je n'ai pas de commanditaire et que je profite de ce qui reste de la liberté d'expression, chose qui, force d'admettre, est en voie d'extinction en Amérique du Nord et chose déjà faite dans plusieurs autres pays. Si vous aimez écouter mes podcasts et vous voulez que je puisse continuer à les produire, s'il vous plaît, envoyez un message à rdesboisqc@gmail.com. Vos dons sont toujours appréciés et aident à ce que je puisse continuer à produire des capsules audio pour balado diffusion. Comme d'habitude, je fais tous les efforts possibles afin d'appuyer mes constats avec des sources crédibles lorsque possible. Sinon, donnons-nous le droit de divaguer et d'explorer des endroits peu fréquentés et très peu discutés. Bonne écoute! Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du gouvernement mondial et je vais faire un survol du passé, le présent et le futur. En gros, là, je vais vous raconter un peu l'histoire du contrôle politique du gouvernement mondial. Comment est-ce que le gouvernement mondial a été mis en place d'une façon historique? Je vais faire un peu l'histoire aussi de la réserve fédérale, les banques centrales, les arnaques des grandes banques. Je vais aussi vous parler du mouvement vert, l'agenda vert environnemental. Je vais vous parler à travers ça des programmes volontaires qui volent nos libertés. Et je vais vous parler des taxes vertes, les nouvelles taxes environnementales. Je vais donc vous expliquer à travers tout ça comment est-ce qu'on est présentement en train de passer d'un système capitaliste de consommation, on peut dire de surconsommation, à un système socialiste / communiste. Et je vais finir par discuter un petit peu rapidement de ce qui s'en vient dans notre futur. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la Réserve fédérale. Je vais vous présenter des faits qui nous ont été cachés pour les dernières 100 ans. À peu près là, 100 ans. Ces faits-là, ils n'ont jamais été rapportés dans les écoles ni dans les médias. Faut pas vraiment s'en surprendre parce que le système d'éducation, surtout les cours d'histoire, ça laisse beaucoup à désirer. Et ben les médias, c'est une vraie farce. Là. Les médias, c'est de la propagande. Il y a rien à y apprendre là. C'est du divertissement très négatif puis des mensonges. Trois quarts du temps, sinon plus. De toute façon, vous avez sûrement remarqué par vous autres là, qu'on n'apprend pas grand-chose à l'école. Tu sais, il y a beaucoup de choses, c'est juste des théories, une grande perte de temps incroyable. Et puis, c'est souvent de la propagande qu'on nous enseigne. Puis, si vous pensez pouvoir apprendre la vérité à la télévision ou dans les journaux, ben là, ouch! Vous vivez carrément dans l'illusion qu'on a créé pour vous, et puis vous êtes probablement sérieusement brainwashé Et vous avez besoin de ce que Alan Watt décrit comme un cours de déprogrammation. C'est un peu ça le but de mon podcast, dans le fond. Il est peut-être même, je sais pas, là, pour ceux qui croient aux nouvelles de la télévision, là, il est peut-être même trop tard pour vous autres, parce qu'il y en a plusieurs d'entre nous autres qui, de toute façon, vont mourir dans l'ignorance totale. C'est comme ça que le système a été monté, et puis c'est comme ça que ça se passe en général. Pourtant, de nos jours, l'information est accessible au grand public. C'est-à-dire que ceux qui se donnent vraiment la peine de chercher et qui osent essayer, ceux qui ont l'esprit assez ouvert afin d'accueillir là, des petites doses de vérité, en général, sont capables de trouver qu'est-ce qu'ils cherchent. Ça, c'est quand même assez nouveau dans notre société. À l'époque, tout était pas mal hermétique et tout était fermé. Puis il y avait juste là des sociétés secrètes où des gens qui faisaient partie de l'élite, faisaient partie des groupes qui pouvaient savoir ce qui se passait. Autant au niveau là, de l'économie mondiale, là, les affaires de nos sociétés, que les courants religieux occultes. Les connaissances étaient réservées à une élite initiée, si on veut, là, à travers des sectes ou des groupes. Mais aujourd'hui, l'information est disponible. Surtout là, avec l'arrivée de l'Internet et l'arrivée de l'ère du Verseau, comme qu'on peut dire là. Aujourd'hui, je vais vous présenter une des plus grandes arnaques jamais commises en Amérique du Nord et qui d'ailleurs implique aussi tous les gouvernements du monde et qui définitivement a volé la liberté des gens. Et nous a rendu esclaves d'un système de dépendance, un système de dépendance au pouvoir et à l'argent. Ce que je vais vous rapporter concernant l'histoire de la Réserve fédérale ou la Banque centrale, en gros, provient d'un livre que j'ai lu de Mel Stanford qui s'appelle High Priests of Treason, The Federal Reserve. Donc, les grands prêtres de la trahison. Ce qui est arrivé aux États-Unis, c'est certain que ce qui arrive aux États-Unis et qui perdure encore nous affecte tous. Là. Surtout ici au Canada et dans la province du Québec, là, on est tellement proche des États-Unis. Ce qu'eux autres ils font, ben nous autres on fait. ça nous influence là, grandement. Donc, bon, c'est ça. On va faire un petit cours d'histoire, on va aller dans le passé. Là, on va commencer, on est en 1910. Donc, en 1910, il y a un groupe d'hommes très puissants, surtout des banquiers, des politiciens, qui ont mis en œuvre un plan secret que, s'il avait été découvert, ça aurait fait office de la plus haute trahison. Ces hommes-là, ils étaient associés à des familles puissantes comme la famille des Rothschild, les Rockefeller, Morgan, Benjamin. Il y avait le sénateur Aldridge, Strong, ses acolytes, Paul Wahlberg, Charles Norton, etc. Bon, ici, vous avez sûrement déjà deviné qu'on parle de magouilles financières. On parle d'argent, on parle de beaucoup d'argent. On parle d'argent là, presque inimaginable. Fait que le but là, de cette rencontre-là, de ces gens-là, c'était de fonder une banque centrale. Bon, pour faire ça, ils devaient implanter le 16e amendement constitutionnel. Là, on parle de la Constitution aux États-Unis. C'est le sénateur Aldridge, qui est parmi le groupe, qui allait être le porte-parole auprès du Sénat et qui allait présenter les plans et les résultats au Congrès américain. C'était super important que le nom des gens de ce groupe-là demeure secret parce qu'à cette époque-là, le Congrès redoutait là, la puissance des banquiers. Ils savaient que ces gens-là étaient croches, puis ils savaient qu'ils manigançaient, donc ils surveillaient de proche. Puis le plan n'aurait jamais fonctionné si le Congrès américain aurait su que le 16e amendement, les gens qui étaient impliqués là, là-dedans, c'était toute une gang de banquiers, puis des gens de puissance. Donc, le plan, c'était de créer une banque nationale, une banque centrale, c'est-à-dire, qu'ils ont fini par nommer la Réserve fédérale. Bon, la Réserve fédérale, ça sonnait beaucoup mieux que banque centrale, tu sais, ça fait réserve, bon, on va réserver votre argent pour vous, puis c'est fédéral, c'est quelque chose que le gouvernement a le contrôle, mais non, il n'y avait rien de réserve là-dedans, puis c'était certainement pas sous le contrôle du gouvernement, puis c'était certainement pas fédéral aux États-Unis. En gros, le 16e amendement, ça donne le droit à l'État de percevoir des taxes sur les citoyens comme ça, là. Ça redéfinit le système de taxation, là. Puis ce groupe de criminels banquiers-là devait absolument voir l'amendement, le 16e amendement, devenir loi afin de réussir à créer la Réserve fédérale. Donc, pour faire une histoire courte, là, le sénateur Aldridge et quelques-uns de ses collègues ils ont proclamé l'amendement comme étant ratifié. Donc, c'était absolument pas le cas. Tu sais, c'est ça qui est l'arnaque, finalement. Ils ont réussi à cacher ce document-là. Là, c'est assez grave, là. Il faut imaginer que ces gens-là, ils ont dupé le Congrès américain. Ils ont fait passer un amendement en loi. Ils ont proclamé que l'amendement, il avait été ratifié en toute légalité, sans que ça soit le cas. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que le 16e amendement est complètement illégal et devrait avoir aucune crédibilité là, dans les cours de la loi. C'est donc complètement illégal de percevoir une taxe sur les revenus comme ce qui est arrivé suite à l'amendement le 16e amendement. On est donc en 1913 et c'est un moment où les États-Unis n'avaient aucune dette. Mais ça allait bientôt changer parce que là, aujourd'hui, le gouvernement est hyper endetté et chaque homme et chaque femme à la naissance ont une dette envers le gouvernement, la banque, de 70 000 piastres chaque. Donc, c'est comme ça que ça a tout commencé, cette grande arnaque-là. On va continuer tout à l'heure, après la pause. Hans plays with Lottie, Lottie plays with Jane. With Willie is happy again. Sookie plays with Leo. Sasha plays with Brit. Adolf builds a bonfire. Enrico plays with it. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Okay. Bon, on est rendu où? Oui, c'est ça. Saviez-vous que lorsqu'on paye des impôts sur le revenu, qu'en général, il n'y a pas une seule scène qui retourne dans les coffres de l'État? C'est surprenant. Si l'État arrive à fonctionner, c'est grâce aux impôts perçus sur les biens et services, pas sur le revenu. Biens et services comme le pétrole, il y a une taxe quand on remplit notre auto. Sur les objets qu'on achète, comme si on achète une baguette de pain, ben il y a la taxe à l'achat. Mais il y a aussi, comme la personne qui a fabriqué le pain, s'est acheté de la farine, a payé une taxe. La farine, s'est acheté du beurre, puis une taxe de beurre. Ça fait qu'il y a à peu près 12 prélèvements de taxes sur une baguette de pain. Ça, là, ça fait suffisamment de taxes pour financer l'État. Alors, si la taxe sur les revenus n'est pas nécessaire, alors pourquoi l'avoir? Et à qui profite-t-elle? Hein? Ha! Ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait que si la loi sur les impôts est en effet non constitutionnelle et illégale, comment ça se fait qu'il y a des percepteurs d'impôts et que nous sommes tenus de payer et qu'à défaut de payer, on fait saisir nos biens ou on va en prison? Tu sais, c'est à ce point-là que le système est corrompu puis que les gens sont ignorants. Qu'on joue tout le jeu sans même y réfléchir deux fois. Là. Puis quand je dis on joue tout le jeu, là, c'est tous ceux là, qui payent les impôts à tous les ans et tous les juges, les avocats qui mettent les gens en prison pour ne pas avoir payé. Eux autres, la plupart sont aussi ignorants que nous autres. C'est ça qui est grave. Là. Ceux qui savent, ben, il n'y en a pas beaucoup, puis le système est tellement pervers qu'il n'y a aucune façon de s'en sortir. Là. Ceci étant dit, au Québec, le Québec a passé une loi là, qui fait que là, ça nous force à payer l'impôt sur le revenu, donc c'est illégal de ne pas le payer, mais c'est pas comme ça ailleurs en Amérique du Nord. Le Québec est toujours un petit peu plus là à l'avant-garde du nouveau système du gouvernement mondial. On pourrait quasiment dire système communiste. Là. On va en reparler plus tard. Donc, c'est ça. C'est en réalité, là, c'est à partir de 1942 que la perception des impôts sur le revenu a commencé aux États-Unis. OK? Tout ça avait été mis en place. En 1901, c'est là que ça a commencé. Mais c'est juste en 1942 que le gouvernement américain a commencé à percevoir les impôts. Ça a commencé, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement a fait une demande aux citoyens de faire leur devoir patriotique et de contribuer à financer la guerre. Et ce, de façon volontaire. Ça s'appelait la taxe de la victoire. Au Canada aussi, on a eu une taxe là, comme ça à cause de la guerre. Ben, c'est ça, on jouait avec les sentiments des gens. Oh, c'est la guerre. L'État a besoin de vous, d'argent, pour gagner cette guerre-là contre le mal, contre l'autre partie de la guerre. Là. Donc... c'est ça. Là, le Congrès, il a voté que cette taxe-là, elle allait durer 2 ans. Mais après 2 ans, ils ont étendu ça à 4 ans. Quand 4 ans étaient finis, ben, ils ont renouvelé la taxe de la victoire à un autre 4 ans. Là, la guerre était finie, là. Mais c'était lucratif de recevoir cette belle taxe-là. Et comme personne qui a vraiment critiqué, cette taxe volontaire-là est devenue obligatoire. C'est là que les tribunaux se sont donné le pouvoir de saisir les biens, la terre, des gens, et même de les mettre en prison si maintenant ils ne payaient pas cette taxe-là. C'est assez incroyable. Depuis ce jour-là, on la paye, cette taxe-là. C'était une taxe volontaire et qui est maintenant une taxe illégale, non constitutionnelle. Ha! Saviez-vous que la plupart des lois qui nous régissent ont commencé par un système volontaire? C'est la grande stratégie, ça. Tu sais, on prend le cas du permis de conduire. Au début, c'était pas obligatoire d'avoir un permis de conduire. Tu pouvais conduire ton auto là sans problème. Là. Mais là, ils ont mis genre, oh, c'est volontaire, c'est un permis, ça va démontrer que tu es en accord avec, avec tu sais, le gouvernement et tu es tout en règle, ça va bien, mais hop, c'est devenu obligatoire. C'est un peu pour la même chose pour la vaccination. La vaccination, ça a toujours été volontaire. Mais, on commence à voir le début d'un système de vaccination obligatoire. On a vu ça là, avec la dernière campagne de vaccination, surtout les gens qui travaillent dans certains milieux, c'était obligatoire. Ben, obligatoire, sinon tu restes à la maison et tu n'as pas de salaire. C'est-tu volontaire ou obligatoire, ça? Enfin. Bon, maintenant, après là, cette petite introduction-là, je vais vous parler là, maintenant de ce qu'on appelle le New World Order, c'est-à-dire le gouvernement mondial. Le terme New World Order a été utilisé en public pour la première fois par nul autre que Adolf Hitler. Donc voilà, hein, qui est aligné avec ce principe-là. C'est en réalité, dans le fond, le rêve de Cecil John Rhodes. Ça, c'est un Britannique associé au financement de l'université Oxford. Rhodes, il avait comme objectif de créer une réforme sociale et de voir l'Empire britannique dominer le monde à travers un système, impérial. Afin d'accomplir ses objectifs, Rhodes, il a créé une société secrète qui allait prendre le contrôle du marché des diamants du monde. À l'époque, c'était gros. Tu contrôlais le marché des diamants, là, t'en faisais de l'argent. Il a réussi à le faire, finalement, puis il en est venu à contrôler 90% du marché, là, des diamants. Ça lui a fait beaucoup d'argent. Ça a été remarqué, ça, en 1885, par la famille Rothschild. Ça, c'était une autre famille très riche. Les Rothschild, ben, tu sais, les riches attirent les riches. Les Rothschilds, quand ils ont vu Rose, t'es rendu un gros joueur, ils se sont associés. Puis, une fois qu'ils se sont associés, eux autres sont allés voir la reine d'Angleterre, la reine Victoria. À cette époque-là, la reine Victoria, bon, elle avait des ambitions de gouvernement mondial, bah, ben, du moins. C'est le système impérialisme, le colonialisme. Donc, l'Angleterre voulait essayer de contrôler le plus de pays possible, qu'eux, ils appelaient des colonies. Puis, c'était mondial, leur affaire. Comme la France, d'ailleurs. Fait que, c'est ça, en 1985, la reine d'Angleterre est rentrée dans le portrait. Non. Une couple d'années plus tard, en 1891, ils ont formé ce qu'ils appellent la table ronde. Cette table ronde-là allait bientôt contrôler presque tous les gouvernements en Europe. Là, c'était toutes les riches, les élites, les banquiers, avec la royauté, allaient contrôler l'Europe. Bon, là, après ça, un peu plus loin dans l'histoire, c'est en 1744, un des Rothschild s'est installé en Allemagne et a eu un fils du nom de Nathan. Nathan, en 1804, il a créé un système très élaboré de communication secrète entre les grandes banques de l'Europe à l'aide de pigeons voyageurs. C'est spécial, là. OK, faut se remettre là, en 1744, là. Lui, avec ses pigeons voyageurs, il arrivait à savoir ce qui se passait un peu partout en Europe, puis à travers le monde. Ce qui fait que ça lui donnait un avantage. Il pouvait profiter du fait qu'il savait que quelque chose allait arriver avant les autres. Là, si on peut s'imaginer un petit peu là, le portrait suivant. Supposons que tu investis de l'argent, bon, mettons à la bourse, mais que tu sais avant tout le monde qu'est-ce qui va arriver à certaines actions, tu sais, à certaines compagnies. Tu peux vraiment venir profiter de ça puis faire beaucoup d'argent à la bourse, OK? Donc, imaginez-vous, Rothschild, il était en contrôle des communications de cette façon-là, puis Bon, il y a une histoire très intéressante là, par rapport à la victoire de la guerre de Waterloo. Il aurait eu su en avance certaines choses, il aurait placé ses économies, les autres auraient eu peur, il aurait retiré leurs économies. En tout cas, il est devenu riche, encore plus riche à cause de ça, puis la guerre de Waterloo, c'est juste un exemple. Donc, les Rothschilds sont devenus très riches et contrôlaient l'économie de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, à cette époque-là, voulait dominer le monde. Bon. Donc, les Rothschilds prêtaient de l'argent à la reine, et en retour, la reine protégeait les avoirs de la banque et décrétait ce que les Rothschilds voulaient, comme par exemple que l'argent en papier était maintenant légal. Donc, ça, c'est le début, si on veut, là, de la concrétisation là, des banques comme étant le gouvernement mondial. Ben, c'est pas tout à fait vrai, ça fait depuis... Ça fait probablement bien avant ça, là, il y a eu des gens qui ont réfléchi à contrôler, à dominer le monde, là. Mais ça, c'est la version, là, au niveau économique un peu plus moderne. Donc, je prends une pause ici. J'en étais rendu de parler aux associés de la table ronde, puis comment ces gens-là, ils ont décidé, à un moment donné, quand ça allait bien leur affaire en Europe, d'envoyer un émissaire en Amérique du Nord pour instaurer leur vision de domination mondiale. Ben, ce moment-là, c'était le fameux 1901, où les États-Unis voulaient mettre en place, c'est-à-dire qu'on voulait mettre en place aux États-Unis la Banque centrale. Une autre date importante, c'est 1921. C'est ce jour-là qu'a été créé le Council on Foreign Affairs, c'est-à-dire le Conseil des relations étrangères. C'est un think tank qui a pour but d'analyser les politiques étrangères américaines et la situation de la politique mondiale. Ce groupe-là, ça a été fondé par David Rockefeller, qui a mis en place un programme dans les grandes universités Ivy League américaines. Bon, fait qu'on peut voir déjà, là, c'est teinté, là, de... les conclusions sont contrôlées par Rockefeller. Donc, ça, là, le Conseil des relations étrangères, ça contribue au débat politique en faisant des recommandations à l'administration présidentielle, rien de moins. Puis, ils témoignent aussi devant le Sénat des États-Unis. Ils fournissent des conseils à la communauté diplomatique. Puis, ils interagissent avec les médias, notamment par le biais de rapports, des livres et des sujets sur des sujets politiques, bon, internes et étrangères. Une autre affaire, c'est le Royal Institute of International Affairs, le RIIA, qui a été fondé en 1920, qui est aussi un autre groupe de réflexion, un think tank en anglais, dont le nom c'est le Chatham House. Ça, c'est le jumeau anglais du Conseil des relations étrangères. Donc, il y a un de ces groupes-là en Amérique du Nord, puis il y en a en Europe. Le Conseil des relations étrangères, ça, depuis 1921, là, n'arrête pas. En 2008, ils ont lancé un programme de 5 ans qui s'appelle International Institutions and Global Governance, World Order in the 21st Century. Donc là, vous voyez, c'est pas moi qui invente ça, là, le gouvernement mondial. Il y a des organisations très puissantes, très bien connectées, qui ont des plans établis, et c'est écrit noir sur blanc que le gouvernement mondial s'en vient et comment est-ce qu'on va faire pour gérer ça. Comme bon, comme je vous dis là, c'est le programme qui a été mis en place en 2008. Il y a 4 grands objectifs. Premièrement, concentrer les menaces transnationales parmi lesquelles le terrorisme, la prolifération d'armes de destruction massive et de maladies infectieuses, de protéger l'environnement et de promouvoir la sécurité énergétique, de manager, de gérer l'économie mondiale et de prévenir et de répondre à des conflits violents. Il fait qu'il s'attaque pas à n'importe quoi, là, ce monde-là. Maintenant, le Conseil des relations étrangères, le Council, le Council nous donne, il contrôle presque tout. Dans le fond, là, ce conseil-là contrôle les personnes, les corporations, les médias et le gouvernement. Donc, si vous connaissez pas cette organisation-là, je vous conseille de faire une petite recherche là sur Google. Cherchez là en anglais « The Council on Foreign Affairs ». Bon, associé à ce genre de groupe-là, de groupe de réflexion-là, en 1960 a été créé le Trilateral Commission, qui est établi, encore une fois, par nul autre que David Rockefeller, qui a comme but de réaliser les vœux du Conseil de relations étrangères. Ouais, voyez-vous, là? Donc, il y a en place un groupe de réflexion qui influence le Sénat, le président et tout ce monde-là. Mais là, associé à ça, il y a une autre organisation, qui est le Trilateral Commission, qui met en œuvre les recommandations de l'autre groupe. David Rockefeller n'est pas fou. Il a mis en place tout un système, là. En Europe, l'organisme qui met en œuvre les recommandations de les think tanks, là, s'appelle le groupe Bilderberg. Si vous n'avez pas entendu ce mot-là, Bilderberg, faites une recherche sur Google, parce que là, ça vaut la peine. Vous allez voir en Europe tous les gros noms parmi les gens les plus riches et influents de la planète. Comment est-ce que ces gens-là font partie d'une organisation qui met en place les recommandations d'un groupe qui contrôle le militaire, le terrorisme, les banques mondiaux et tout ça. Il y a deux gros groupes, un en États-Unis puis un en Europe. Tous les groupes mentionnés ici nous contrôlent nous contrôlent en créant et en finançant des guerres, des dépressions économiques, la peur, ils créent la peur, tu sais, puis les autres, ils financent toujours les deux côtés de la guerre. Donc, tu sais, tu peux voir comment est-ce que les autres, ils continuent juste à être plus riches, là. Puis quand on entend, oh, là, il y a une guerre, ça va coûter cher à l'économie. Oui, ça va coûter cher à l'économie, ça va coûter cher à nous autres, mais les grands, là, les Big Brothers, là, eux autres, ça leur coûte rien, ils font de l'argent. Puis en plus, à toutes les fois qu'il crée une guerre ou une dépression économique, les gens sont... Tu sais, ils vivent dans la peur. Puis ça, ils savent très bien, ça fait depuis le début là, des temps que la stratégie de contrôle de population, c'est de créer une catastrophe, puis après ça, venir rassurer les gens en mettant en place des mesures. Souvent, c'est des mesures légales ou administratives. Donc, on crée une guerre ou, comme ce qui est arrivé à le 9-11, lorsque les tours ont tombé, les gens avaient peur et se sont tournés vers le gouvernement. Et puis le gouvernement, ben évidemment, il a mis en place des mesures contre le terrorisme. C'est à partir de là qu'on a perdu une certaine liberté civile parce qu'ils ont mis en place le Patriot Act qui, malheureusement, fait en sorte que maintenant, ils peuvent venir fouiller chez vous comme qu'ils veulent. Tu regardes à l'aéroport, ils sont rendus là, ils nous font enlever les souliers, ils vont nous scanner bientôt avec un appareil, puis c'est quasiment, c'est presque un viol, parce qu'avec ça, ils nous voient tout nus en dessous de notre linge, là. Là, tu sais, les nerfs, là, puis aussi, ils regardent les enfants, c'est, en tout cas, ça ressemble à de la pédophilie, tant qu'à moi, mais ça vient des Big Brothers. Là, si ça vous stresse pas encore... ce qui risque d'arriver encore pire, c'est que ces gens-là, ils veulent avoir un profil sur chacun de nous. Ils veulent nous contrôler, chacun de nous. C'est-à-dire, ils veulent savoir si on est un problème à leur organisation. Donc, ils doivent savoir tout sur nous autres. Là, ils contrôlent notre argent. Bon, tu sais, avant, à l'époque, on fonctionnait, il y a bien longtemps, avec des échanges comme en Irlande et... En Écosse, les gens, des clous, c'était important. Fait que si t'avais des clous, hop, tu vas peut-être échanger une poule pour des clous. Là, les gens, il y avait de l'or. Différents métaux précieux. À un moment donné, c'était à Rome, le sel. Tu disais, bon, ouais, ça va te prendre deux poignées de sel pour que je puisse construire ta maison, tu sais. C'était toujours eu, l'argent, ça a toujours été, ben, ça, c'est pas de l'argent, c'est-à-dire, c'était des biens qui valaient quelque chose que les gens s'échangeaient. Maintenant, on est rendu avec des dollars là, en papier qui valent rien. Tu sais, on nous dit c'est quoi ça vaut selon l'inflation et selon là, encore une fois, ce que la Réserve fédérale va venir nous dire c'est quoi que ça vaut. Puis là, c'est ça, ils peuvent créer des dépressions économiques comme qu'ils veulent parce que ça vaut pas rien. Même que s'ils décidaient que l'argent vaut rien, ben, ceux qui ont $1 million à banque, ils ont rien. Donc, mais ça, là, c'était juste le début. On va voir tranquillement cet argent-là disparaître. Il n'aura plus, là. Il n'y aura plus rien. Ça va être... Tout va être dans des banques d'ordinateurs. Et puis, les transactions vont se faire grâce à des puces informatiques. Un peu comme, bon, les cartes plastiques, là. Tu me passes ta carte, flouc, pas d'argent, rien. Tout est fait avec des ordinateurs. Cette puce informatique-là? Bon, là, moi, j'ai fait une recherche sur ça, j'ai entendu bien des choses. Ça, de ce que j'ai pu voir, ce qui va commencer, ça va commencer avec les puces sur le passeport, les puces dans les téléphones cellulaires, les puces jusqu'au point où les gens vont avoir des puces greffées sous la peau. Donc, au début, évidemment, ça va être volontaire, mais là, il va arriver un moment, si tu n'as pas ta puce ou ta peau, tu rentres pas, tu peux pas faire de transactions à l'épicerie, tu peux pas prendre l'avion, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, donc tout le monde va avoir une puce dissimulée sous la peau, puis avec cette puce-là, oui, on scanne ça, schling, tiens, ça, voilà, tout, on sait tout sur toi, qu'est-ce que tu achètes, tout, ça s'en va directement crédité à la banque, tout est fait comme ça, là. Fait que ça, c'est quelque chose où ce qu'on risque de s'en aller dans le futur assez rapproché. Bon, fait que on peut dire bye bye à la vie privée. Bon, je vais prendre une pause ici. Ok. Bon, là, j'ai parlé beaucoup du passé. Un petit peu, là, j'ai divagué un peu sur ce qui se passerait, là, un peu dans le futur. Mais maintenant, je vais parler un peu plus du présent par rapport au gouvernement mondial. Fait que, là, c'est clair que le gouvernement mondial, dans le présent, existe. Parce que ça a été établi dans le passé. Mais bon, comme qu'on a vu, le gouvernement mondial, il s'est fait par l'entremise du système de colonisation de l'impérialisme britannique et a été financé par les banquiers internationaux qui financent les guerres, qui travaillent en coulisses avec la corruption du gouvernement, le système de loi et les monarques anglais, la reine. Si aujourd'hui on a l'impression que l'impérialisme britannique, c'est chose du passé, non, parce que on n'est plus dans un système là, où on colonise. Là. C'est pas tout à fait le cas. Moi, je pourrais dire ça. La structure est encore en place, mais c'est la façon de faire qui a changé. Donc là, les grands dirigeants, la reine et sa clique de banquiers sont pas à la recherche de coloniser des nouveaux pays. Ça, c'est fini. Mais le modèle de coloniser des pays est encore là. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est maintenant imposer des systèmes de gestion sur les pays ou leurs colonies qui restent. Là, ce que je vais vous dire, ça va vous surprendre. Moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre là, tout ça, comment ça fonctionne, les subtilités. Mais comment est-ce qu'ils vont arriver à imposer leur modèle de gestion sur le monde? Fait que là, dans le fond, le nouveau modèle de gestion, de contrôle mondial va passer par l'agenda vert. Oui, je sais que c'est bizarre, là, sur le coup, mais l'agenda vert, là, le mouvement environnemental, là, sauvons la planète, il faut sauver la planète, là tu vois tous les granos là dans la rue, manifester contre l'industrie, manifester contre le gouvernement, il faut sauver la planète, c'est l'agenda vert. Mais ce que le monde ne savent pas, là, c'est que c'est une bonne intention, oui, il faut diminuer la pollution, oui, il faut faire attention à notre environnement, mais c'est qui va contrôler ça, cet agenda-là? Puis comment qu'ils vont contrôler ça? Puis est-ce que ça peut être perverti? Est-ce que ça peut être utilisé à d'autres fins? Hein? Ben là, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est exactement ça qui se passe. Tout notre groupe, là, nos riches banquiers, là, c'est l'élite, là, tous ces gens-là, là, c'est eux qui tirent les ficelles derrière l'agenda vert. Mais il n'y a personne qui sait ça, OK? On pense que eux, c'est l'ennemi, puis nous, on est des nouveaux héros du temps moderne, puis c'est nous qui va sauver la planète en leur disant à eux comme de changer. Mais non! Mais non! C'est eux autres qui mettent en place tous les systèmes. C'est même eux qui financent les gens qui font des manifestations. Vous regarderez... les gens qui manifestent, il y en a, c'est des professionnels là-dedans. Ils reçoivent des subventions de des organismes. Ces organismes-là, qui donnent l'argent à ces organismes-là, c'est, encore une fois, Big Brother. Donc, ici, là, dans les prochaines minutes, je vais essayer de vous montrer le lien entre notre compréhension de l'agenda vert et leur compréhension de l'agenda vert. Okay? Parce que c'est pas la même chose. Bon, comme j'ai dit, notre compréhension est simple. On veut faire du bien, on est frustré de voir la pollution, on aime l'environnement, la nature, on veut la protéger. On est même prêt à faire des sacrifices. On est prêt, la simplicité volontaire. On veut faire attention à ce qu'on achète. On achète des produits écologiques. On va même se priver de certaines de consommer. Leur compréhension de l'agenda vert est beaucoup plus complexe. Les autres, ils veulent convertir le modèle de consommation, là, capitaliste, la consommation à outrance, là. Ils veulent convertir ça, ce modèle-là qu'on a connu dernièrement, à un modèle de privation socialiste. Là, c'est pas facile à expliquer, là. Disons qu'on est... On est en train de vivre un grand changement, là. OK? Les grands dirigeants, ce qu'ils voulaient de nous, les, je sais pas, 50 dernières années et encore plus, là, les 10, 20 dernières années, c'était de consommer. Ils ont fait de nous une société de consommation en détruisant le tissu familial, et en créant, chez les gens, un vide, un genre de vide intérieur, parce que les gens, ils font leur devoir patriotique même en consommant. Les gens veulent consommer. Ils veulent consommer, consommer, consommer. Ils sont pas capables d'être heureux s'ils consomment pas. Puis, tout le monde veut consommer, puis tout le monde consomme. Bon, je pense que je l'ai assez dit, là. mais, là, on est en train de vivre un changement où ils vont essayer de nous éduquer à se priver de consommer, ou du moins consommer selon des nouvelles normes environnementales, selon l'agenda vert. On va consommer vert, OK? Mais on va consommer moins, parce que il y a des raisons que je vais expliquer pourquoi là plus tard. Disons que pour l'instant, ils veulent mettre en place un système socialiste borderline communiste. OK, on passe du capitalisme de consommation au socialisme presque communiste. Mais là, il y a beaucoup de gens qui, dans le mouvement environnemental, qui pensent que c'est une bonne chose. Ah oui, le système socialiste, c'est tout le monde pour le peuple, c'est une société, on vit ensemble, on fait attention ensemble. Mais attention, là, le socialisme, là, c'est... peut se comparer au communisme mis en place d'une façon rapide. Puis, vous pourrez lire un peu sur le communisme, là. Ici, on a une version, une conception romantique du communisme, mais on n'a jamais vécu dans un système communiste, là. C'est là, quand tout est contrôlé, puis on dit quoi faire, puis t'as plus de liberté, zéro, puis une barre, là. C'est pas, là... C'est pas romantique, là. Puis le socialisme, comme Staline lui-même disait, là, le socialisme, c'est du communisme mis en place rapidement. De toute façon, ceux qui pensent que c'est une bonne chose, mais il y en a qui vont être heureux là-dedans. Il y en a qui aiment ça se faire contrôler, se faire dire quoi faire. Ils veulent pas trop réfléchir, ils veulent se lever le matin et travailler, recevoir l'argent, consommer ce qu'on dit de consommer. Faire ce qu'on dit de faire. C'est pas grave s'il y a des lois ridicules comme forcer les citoyens à mettre des pneus d'hiver de telle date à telle date. Sinon, tu vas avoir une amende, tu vas payer de l'argent. Tu vas payer de l'argent pour des pneus, tu vas payer de l'argent si t'aimais pas. Tu sais, on force les gens là à faire ce qu'on leur dit, puis c'est pour la société. Ben oui, parce que c'est pour réduire les accidents, pour c'est un projet de société. Ben moi, je suis pas pour ça, parce que bye bye la liberté là, bye bye le contrôle. À un moment donné, c'est le contrôle de la pensée. T'as rendu que tu perds le contrôle de la pensée là, ben ton âme là, il en reste plus ben là. Moi, je veux pas perdre mon âme, puis je veux pas perdre mes libertés. Bon, aussi, leur compréhension de l'agenda vert implique aussi un contrôle de population. Ça, c'est un choc quand on apprend ça, puis on commence à trouver des preuves, mais ça veut dire qu'ils veulent diminuer la population. Puis plus que 50%, là, la moitié d'entre nous, là, bye-bye, exterminés. Là, c'est sûr que... C'est pas moi qui invente ça, c'est écrit noir sur blanc. Puis tu sais, les groupes comme le Club of Rome, ils écrivent ça. Ils écrivent ça que dans l'agenda vert, il faut venir contrôler les populations. Ça, ça n'est pas d'aujourd'hui, là. Ça fait un petit bout qu'ils savent que ça s'en vient là. Puis dans les années 70, là, c'était ouvertement l'eugénisme, c'était ouvertement parlé par les politiciens. Il y avait le. Tu sais, family planning, ils ont créé la pilule pour pas avoir d'enfants. L'avortement est devenu légal dans plusieurs pays. Ils ont stérilisé les Premières Nations. Tu sais, ils mettent la drogue, là, c'est tout contrôlé dans les ghettos pour venir tuer les gens. Ça vient du fait, là... Ça a été rationalisé par les philosophes de l'époque, associés encore une fois à la bourgeoisie. Ils s'appuyaient sur la théorie de Darwin. La théorie de Darwin stipule que les plus forts ont le droit de survivre, puis que la nature est ainsi faite, et que les plus pauvres, les moins forts, ben ils sont éliminés. Puis ça, c'est un processus naturel, et puis on évolue. On part d'un singe, puis on évolue à un Rothschild, là, la reine. La reine, là, puis, tu sais, la royauté sont en haut de l'échelle, puis c'est parce qu'ils ont évolué pour être comme ça. Les autres, ils voient ça comme ça, pas des jokes. Donc, les autres, il faut diminuer la population. Là, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est un peu mal vu de venir dire « Hey, on va vous empoisonner, on va vous exterminer, il y a trop de monde sur la planète ». Ça passe mal. Ça passait mieux à l'époque. Parce que, je sais pas pourquoi, aujourd'hui, ça passe mal. Fait que là, faut tout qui cache ça, cet aspect-là de l'agenda. Bon, comment la clique des riches banquiers puis des psychopathes industriels, parce que moi, je suis convaincu que c'est une gang de psychopathes. Il faut être psychopathe, là, pour penser comme ça. Comment est-ce qu'ils... qui tire les ficelles de l'agenda vert. C'est très subtil leur affaire, là. Puis je vais vous exposer ici les liens et la structure hiérarchique entre les dirigeants et les organismes qu'ils contrôlent. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Là, j'ai devant moi ici un tableau que j'ai trouvé dans un livre qui s'appelait The House of Windsor. Ici, là, c'est un tableau où on voit là, la structure, le lien entre différentes organisations, puis le, qui est en haut, puis qui est en bas. Là. Donc, complètement en haut, là, c'est le Club of ICs. Bon, en tout cas, c'est la House of Windsor. Donc, je vous parlais de la royauté, là. C'est ça. En haut, là, c'est le prince Philippe, sa clique de monarques. Puis de ceux qui le financent. Donc, le prince Philippe, là, la royauté, là, eux autres, c'est eux autres qui ont mis en. Qui ont financé puis qui ont aidé à mettre en place UNESCO et UNEP. C'est eux qui ont aidé de mettre en place des affaires comme le Zoological Society of London, The Nature Conservancy. C'est après ça, c'est UNESCO, UNEP, puis IUCN qui ont mis en place le WWF Worldwide Fund, tu sais, WWF, tout le monde entend parler de ça comme le groupe environnemental là, qui finance des projets verts pour sauver l'environnement. Ça a été mis en place par le groupe associé au prince Philippe. Mais ce groupe-là, c'est eux autres aussi qui ont mis en place et qui financent là, Shell, Unilever, De Beers, des groupes qui contrôlent le marché du pétrole et des diamants du monde. Là. Puis ça, il ne faut pas se leurrer. Eux autres, ils n'ont pas le même intérêt que les granos qui manifestent dans la rue. Là. Bon, le Worldwide Fund, WWF, eux, ils ont aidé à mettre en place le Sierra Club, Greenpeace, Friends of the Earth, Earth First, Sea Shepherd, puis l'UNESCO, l'UNEP, ont aidé à mettre en place le club des 101, des 1001, excusez. Bon, on sait là, on sait très bien l'agenda de la royauté britannique. On en a parlé en masse, là, comment est-ce qu'ils sont tous reliés avec les banquiers et tout ça, puis comment est-ce qu'eux ont un agenda pour prendre contrôle du monde et de devenir de plus en plus mettre en place là, le système du gouvernement mondial. Mais là, je suis en train de vous dire, moi, que ces gens-là, c'est tous eux autres qui ont mis en place puis qui ont financé des organisations comme Greenpeace, Sierra Club, okay, Friends of the Earth, et les groupes pétroliers, puis les gros, là, les cartels là, de miniers là, qu'il y a partout dans le monde. Ça veut dire que Greenpeace, là, c'est pas un petit groupe indépendant comme ça, là, de la gauche qui se bat contre la droite. Non. Non. C'est la droite qui ont mis en place ces groupes-là. C'est quand même assez incroyable là, comment les dirigeants du gouvernement mondial sont totalement en contrôle des organismes non gouvernementaux, des organismes à but non lucratif. Eux autres, ils ont comme mandat de promouvoir l'agenda vert, hein? Qui aurait cru? C'est exactement comme ça que fonctionnait le système communiste en passant. Tu sais, c'était pas là les dirigeants à Moscou qui venaient dire à tout le monde « Hey, vous allez tout être pauvres, vous allez faire ça, vous allez faire ça. » Non. Il y avait des groupes non gouvernementaux qui étaient là pour aider le peuple, qui partaient dans les petites communautés, puis qui mettaient en place des programmes. Puis ces programmes-là venaient dire aux gens comment vivre en société. Mais ça, c'était tout financé par Moscou, puis les têtes dirigeantes des organismes à but non lucratif non gouvernementaux étaient mises en place par le gouvernement central. Ça fait que, dans le fond, c'est que la pilule est plus facile à avaler quand c'est Greenpeace qui dit de pas trop consommer, ou quand c'est Greenpeace qui dit de faire ça, ou qui dit de faire ça pour sauver la planète. C'est beaucoup plus facile d'avaler ça que si tu sais que c'est les dirigeants là, psychopathes du gouvernement mondial qui disent de le faire. Bon, fait que, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? My God. Ben, on s'en va dans... Premièrement, là, On vit dans une fausse démocratie, OK? La gauche, la droite, là, ça n'a rien à voir. Les républicains, les démocrates, le Parti libéral, le Parti conservateur, tu sais, tout ça, là, ça fait partie là, de la dialectique d'Hegel, là, qui est, on vous donne le sujet, on vous donne la thèse, on vous donne l'antithèse, et on vous laisse débattre sur lequel est mieux, tu sais. C'est un peu... c'est une stratégie qui est vieille comme le monde. Les gens pensent qu'ils contribuent au débat, mais on leur a donné tout le cadre du débat. On leur a donné quoi débattre, comment débattre. Puis là, les gens embarquent là-dedans, puis ils pensent qu'ils sont libres, puis qu'ils font un débat. Ça n'a rien à voir. Tu sais, c'est comme... C'est utilisé, ça, partout. C'est comme... est-ce que t'aimes mieux boire du 7-Up, ou est-ce que t'aimes mieux boire du Pepsi? Puis là, ils font « Ah, moi j'aime mieux 7-Up. Ah non, moi j'aime mieux Pepsi. » Puis là, tu vas tout avoir les gens qui se rangent d'un côté puis les gens qui se rangent de l'autre. Ils ont tous leurs arguments. Puis ils passent le temps à débattre qu'est-ce qui est mieux, 7-Up ou Pepsi. Mais les deux appartiennent à la même compagnie. Puis le débat a été créé justement pour faire de la publicité pour les deux. Puis pour que les gens aient l'impression qu'ils vivent dans une liberté puis ils peuvent choisir puis qu'ils vont venir changer le monde. Non, c'est une fausse démocratie. Que tu votes pour un, que tu votes pour l'autre, c'est pas ces gens-là qui contrôlent l'agenda, c'est le gouvernement mondial. OK? Donc, quoi d'autre, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Bon, on s'en va avec ça, qu'on s'en va vers... ben, on est probablement déjà, là, le tournant est fait, on s'en va vers la privation, la perte de nos droits, de nos libertés. On s'en va vers un contrôle. On s'en va vers la perte de droit à la propriété privée, parce que la terre appartient pas aux humains, la terre appartient à l'ensemble des animaux pour venir protéger la planète, et les lois changent que, bon, hein, si on fait un parc là, on fait un parc là. Il n'y a plus personne qui peut vivre là pour protéger les animaux, mais encore une fois, tu sais, qui va avoir le droit d'exploiter les ressources là? Ben, on sait, ça sera pas toi, ça sera pas moi. Donc, qu'est-ce qu'on va voir, surtout avec l'agenda vert, et c'est ça qui est le clou, là, du but pour eux autres d'embarquer dans l'agenda vert, de l'avoir créé, c'est l'augmentation des taxes. Parce que c'est ça, eux autres, c'est des taxes, c'est comme ça qu'ils en arrivent à faire leur argent, mais les guerres, les taxes. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir arriver, puis qu'on le voit déjà, c'est les taxes vertes, OK? Donc, c'est déjà au Québec, le Québec en passant, là, c'est probablement le plus socialiste de l'Amérique du Nord, le plus... Déjà, là, dans le temps, les Américains, là, pendant la guerre froide, traitaient le Canada de communiste. C'est pas pour rien, parce que la quantité de communistes sont partis de la Russie, puis sont venus ici, puis qui font cette partie du gouvernement... Puis, de toute façon, là, on le voit, le Canada est beaucoup plus socialiste que les Américains, mais les Américains sont en train de devenir socialistes. Mais de toutes les provinces, c'est le Québec qui est le plus proche du communisme, là, où ce qu'on impose aux gens, on dit aux gens quoi faire. C'est le Big Brother qui sait qu'est-ce que est bon pour nous, puis va nous dire qu'est-ce qui est bon pour nous, puis il va nous taxer, puis envoyer. Déjà ici, là, au Québec, la taxe verte sur le pétrole, on en a une. On s'en rend pas compte. Le prix du pétrole, il est un peu plus cher au Québec parce qu'il y a une taxe verte là-dedans, mais les compagnies pétrolières nous refilent la facture. On paye pour la compagnie pétrole, cette taxe verte-là. Qu'est-ce qu'on voit déjà? C'est la taxe verte sur les produits et services. Ça, c'est les écolabels. Tu sais, les petits logos verts là, que tu vois sur les produits. Ça, faut pas se leurrer. C'est une taxe verte déguisée, là. Okay? En ce moment, c'est volontaire. Encore une fois, volontaire. Mais ça, pour avoir ce petit éco-label-là, ce logo-là, vert, il faut que tu t'enregistres sur une compagnie, puis tu leur payes de l'argent, des milliers de dollars, là. Les compagnies, là, il faut qu'ils payent des milliers de dollars pour pouvoir dire que leur produit est vert, parce que là, les gens, ils sont tenus d'acheter des produits verts. Le produit vert, il peut coûter un peu plus cher, mais les gens vont l'acheter pareil, parce que c'est ça, parce que là, ils sont brainwashés à acheter des produits verts. Bon, est-ce que les produits verts, ça va sauver l'environnement? Ça, c'est tout un autre débat. Je peux en parler une autre fois. Moi, je peux vous dire que il y a beaucoup de corruption là dans ce genre de trucs-là. Oui, il y en a qui sont bien montés, puis sont bien faits, puis ils créent des changements, mais c'est pas tout, là. Il y en a, là, c'est de la fraude, là, ces petits logos verts, là, là. Donc, là, on rentrera pas dans comment faire pour choisir un bon puis un pas bon, là. Pas là. Une autre fois, je vais faire un podcast là-dessus. Bon, ces écolabels-là, ces logos sont volontaires, mais ils seront pas volontaires. Ça sera pas long, là. La façon dont c'est écrit, là, dans l'agenda 21, faites une recherche encore sur Google. Agenda 21, ça a été, c'est un document super long qui a été pondu après le sommet de Rio de Janeiro. Je me souviens plus quelle année. Ça fait pas si longtemps que ça, peut-être une dizaine d'années, là, peut-être moins. Cet agenda 21-là, il va nous dire exactement, clairement, noir sur blanc, puis je l'ai lu moi-même, que les produits qui sont vendus doivent être avoir une certification environnementale. OK? Fait qu'on s'en vient vers le fait que tous les gouvernements vont mettre en place la certification environnementale à tous les niveaux. OK? Donc, ça s'en vient. Puis c'est déjà commencé parce que on va choisir le Canada, encore une fois, et puis on va venir au Québec aussi. Le Canada, le gouvernement fédéral du Canada a une politique d'achat vert. Ils ont tout un département, là, un étage là, de gens qui travaillent à la certification et leur plan vert. Donc le plan vert du gouvernement, c'est d'acheter des produits qui ont un logo, comme le papier, les ordinateurs, les imprimantes. Ce qui fait que quand les acheteurs là, du gouvernement, qui en passant, le gouvernement, c'est l'acheteur le plus grand consommateur, là, et en consomme du papier, là. Donc, si le gouvernement dit qu'il faut acheter du papier qui a une certification environnementale, ben, c'est plus volontaire, là. Ça, c'est obligatoire. Donc, ce qui reste de volontaire, c'est les gens comme toi puis moi. Nous, on a le choix d'acheter un produit qui a une certification ou pas. OK? Bon, là, c'est sûr qu'on se fait influencer, là, puis de plus en plus, à acheter celui-là qu'il y en a un, ça va être du prestige social, là, pour les... on peut se vanter de ça, qu'on achète des produits verts. Ah oui, pourquoi je vous ai dit de Québec? Parce que le Québec, là, s'apprête à passer une loi comme de quoi que toute gestion forestière doit être certifiée. Que là, le gouvernement va imposer, ça va devenir obligatoire pour une compagnie forestière d'aller chercher une certification environnementale. Là, attention, je dis pas que c'est pas une bonne chose. C'est-à-dire, c'est une bonne chose seulement si la certification aide à protéger l'environnement. Là. OK? Bon, ça, je ferai pas, là... j'irai pas dire si c'est bon ou pas. Il faudrait faire une analyse en détail. Ce que je suis en train de dire, c'est juste qu'on passe d'un système volontaire où une compagnie forestière, maintenant, elle a le choix. Je veux une certification ou pas. Ce choix-là dépend de son marché. Si elle veut vendre sa pâte ou vendre son papier ou vendre son bois, les pressions du marché peuvent faire en sorte que la certification, c'est une bonne chose. Mais là, on passe au-delà de la pression des marchés, au-delà du système capitaliste qu'on avait, là, à le système socialiste, communiste, où ce que le gouvernement du Québec va forcer les compagnies à le faire. Et c'est ici au Québec qu'on est les premiers encore une fois. Malheureusement, personne qui voit ça, tout le monde pense qu'on est les meilleurs. La taxe verte sur le carbone, ça c'est déjà commencé. On va payer pour le CO2. Fait que moi qui parle beaucoup, ça va me coûter cher. la taxe verte, il va en avoir sur tout, là. Ce qu'on va voir arriver, c'est l'apparition d'une police environnementale avec le droit d'émettre des contraventions si vous pêchez, c'est-à-dire si vous ne respectez pas les codes de l'agenda vert. Par exemple, on a trouvé dans tes vidanges que tu n'avais pas recyclé. Amende, taxe verte. Ils vont avoir le droit de rentrer chez vous et d'aller voir si tes fenêtres, c'est des bonnes fenêtres, si tu as le bon frigidaire. T'as-tu acheté le bon frigidaire ou t'as pas acheté le bon frigidaire? T'as pas le bon frigidaire? Taxe verte. Bon, finalement, ben, Et non le moins, ce qui s'en vient, c'est l'élimination des humains. Là. La destruction, l'élimination, l'extermination de, des milliards d'êtres humains. ceux qui appartiennent pas à l'élite. On est de retour. Fait que là, j'ai parlé de ce qui se passait dans le passé, le présent, un peu le futur. C'est un peu dur à savoir, là, qu'est-ce qui est quoi, mais je vais continuer avec quoi d'autre qu'on va voir dans le futur, là. Bon. C'est sûr que c'est la mise en place de l'agenda vert. La méthode de contrôle du gouvernement mondial. On va donc l'augmentation des taxes. Les taxes vertes pour tout le monde. Tout comme la fusion des pays en Europe, on va voir la mise en place. Puis bon, en Europe, il y a eu les pays qui se sont fusionnés, puis ont créé l'euro, une nouvelle monnaie. Ben ça s'en vient ici, au Canada, puis aux États-Unis, puis les pays de l'Amérique du Sud. Donc on va être fusionnés. Puis on va avoir une argent commune. Ce qu'on va voir un petit peu plus tard après, c'est la fusion des pays asiatiques. Puis eux autres aussi une monnaie commune pour éventuellement que les trois grands pays ou grandes entités, l'Europe, l'Amérique du Nord puis les pays asiatiques, soient toutes fusionnées en un seul, qui est le but ultime du gouvernement mondial. On va voir la disparition de l'argent liquide. L'augmentation de la vie virtuelle et le socialisme avec l'implantation des puces électroniques de façon volontaire au début. Tout comme la vaccination qui est volontaire, mais qui va devenir obligatoire. ça me tente pas de rentrer dans le débat, mais la vaccination, c'est pas ce que la plupart des gens croient. La vaccination a le côté pervers, puis je vais faire une recherche là-dessus, ou je vais peut-être en parler dans un autre podcast. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aussi, c'est la rareté de l'eau. Faut faire attention à l'eau municipale, parce qu'il y a déjà plein d'hormones, de pesticides, de produits toxiques dans l'eau. Qui n'est pas là pour rien. On va voir la rareté de la nourriture. Les aliments vont être de plus en plus transgéniques grâce à notre ami Monsanto, qui est un des chefs de file, a créé de la nourriture toxique pour exterminer les humains. Bien que là, eux disent c'est le contraire, qu'ils sont là pour sauver l'humanité. Ben, c'est toujours comme ça. La nourriture irradiée. On va voir l'élimination des propriétés vitaminiques de la nourriture et la vente de vitamines sur les tablettes. Les vitamines vont être seulement disponibles avec une prescription pharmaceutique. Ça va être très contrôlé. Et quand je dis élimination dans la nourriture des vitamines, c'est parce que avec toutes les produits transgéniques puis l'irradiation, on va perdre beaucoup de la qualité nutritive des aliments, ce qui est déjà, grâce à l'agriculture chimique, est déjà à moitié fait. Mais là, ce qu'on va voir, c'est... c'est-à-dire il y a beaucoup de... On ajoute beaucoup de vitamines en ce moment dans, dans la nourriture. Tu sais, on rajoute dans le lait de la vitamine D. Regarde le yogourt. Tabarouette, le yogourt de nos jours, là, c'est un vrai produit pharmaceutique. Il y a des toutes sortes d'éléments là-dedans. Là. Les céréales pour enfants, on rajoute de la vitamine B, de la thiamine, parce que ça l'aide. On rajoute, tu sais, on rajoute plein de vitamines dans la nourriture. Ça, ça va être rendu illégal grâce au traité, le Codex Alimentarius, qui nous vient évidemment de nos amis de l'UNEP, l'UNESCO, les Nations Unies, qui sont là pour veiller au grain. Donc ça, c'est un traité qui va être mis en place bientôt, le Codex Alimentarius. Il va y avoir des gens qui vont se révolter, ça c'est clair. Bon, là, ces gens-là vont être vus comme des terroristes. Puis, ils vont être mis en prison dans des camps, les camps FEMA, F-E-M-A. Il y en a plein qui sont en construction aux États-Unis en ce moment, puis les gens se demandent, what the fuck, tu sais, comment ça se fait que là, ils nous construisent plein de camps comme ça, qu'est-ce qu'ils anticipent, là, hein? C'est quoi qu'ils anticipent de construire des camps comme ça? C'est des grosses prisons, ça ressemble à des goulags russes. Faites une recherche sur FEMA, F-E-M-A. Si vous acceptez pas le nouveau système communiste, ben vous allez finir dans les goulags. Parce que vous êtes un terroriste, une menace à l'État, une menace à la planète. Et oui, l'être humain est le premier gros problème de la planète, c'est l'être humain. Ça a été dit par les groupes environnementaux qui sont subventionnés par... par les psychopathes du gouvernement mondial, ce qui veut nous faire à croire que c'est nous le problème, donc il faut nous exterminer, ou nous contrôler. Nous contrôler, ou nous exterminer. Voilà. Bon, fait que je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que j'en ai sûrement assez dit pour l'instant. Ça en fait beaucoup à digérer. Je sais qu'il y en a qui préfèrent pas croire, dire que c'est toutes les théories de conspiration, mais c'est correct. Moi, je cherche juste à vous donner l'information que j'ai trouvée à travers mes recherches, puis ça peut arriver à vous déprogrammer des mensonges qui forment votre vision de la vie, ou vous déprogrammer des mensonges que le gouvernement nous passe à travers les médias, ben, tant mieux. Ce que je vous ai raconté... tant qu'à moi, c'est pas de la fiction, et c'est certain que, bon, la lumière, si on peut dire ainsi, la lumière peut aveugler, mais c'est mieux ce petit malaise-là que de vivre dans la noirceur, hein. Moi, je pense que c'est bon d'être au courant de des forces qui nous contrôlent. C'est bon d'en parler, parce que si tout le monde commence à voir à travers là, ce plan-là, les gens vont pouvoir s'unir, puis ils embarqueront pas dans les programmes volontaires. Ou du moins, les gens peuvent s'unir, mettre en place un système comme de secours pour nous aider quand on va être coincé dans le coin. Donc, c'est ça. Je m'arrête ici. Alors, au revoir et jusqu'au prochain podcast. Bye-bye. donne ce que j'attends.